Je vais demander à mes trois invités, je suis vraiment mais ravi qu'ils soient tous venus parce que bah, ça fait un super plateau. Donc Théodore Ouchef, Florence Miaille et Jérémy Clapin de venir nous rejoindre. Merci beaucoup. D'être venu. Donc, normalement, là, j'avais du Shostakovich pour l'entrée en scène de Théodore. J'avais voilà, j'avais prévu plein de belles musiques. Donc on va faire. Vous avez deux micros. Hop, celui-là aussi. Jérémy, merci. Trois personnages importants au niveau de la réalisation. Peut-être que j'ai pas aussi tardé à vous laisser la question, la parole, si vous avez l'envie de leur poser des questions. Vous avez vu leurs trois, deux films qui étaient en compétition 4, et normalement Méandre, qui était aussi hier hors compétition, mais qui était déjà donc a déjà été montré. Donc les trois films ont été montrés. Une trilogie, je vais commencer par Théodore. Trilogie. Est-ce que quand tu as commencé Tower Bower, tu savais déjà dans ta tête que tu allais avoir trois films? Non, je ne savais pas, j'ai aucune idée que ça va continuer comme ça, que je vais faire trois films. En fait, Tower Power, c'était tout à fait spontané, un film fait en 3 semaines. Je n'attendais même pas que le film sera produit, je n'attendais pas que le film sera montré en ici. En fait, j'ai rien pensé, évidemment. Ah, pardon, je crois que Ah, ça ne on marche vient de pas? me dire que. Ah. Bon. Ben, il voit donc ça marche, mais là voilà, ça va. Ça marche maintenant? Ah, Ah, ah oui. Donc, je ne savais pas ce qui va se passer. J'ai aucune idée. Ça commence spontanément. C'est comme ça. On est arrivé ici. Donc, pour te rebord, tu as commencé à voir. Tu as fait le film avant même de le proposer à l'ONF ou non? C'est. Le film a été fait avant qu'il ait été proposé à l'ONF. Qui n'est pas d'habitude à l'ONF. J'ai pris le film, j'ai donné à Marcel Jean. Marcel Jean, il a dit, c'est super, on va le produire, on va faire la post-production. Et puis, ils sont envoyés, le film était fini, il était envoyé au festival d'Annecy, il était sélectionné, et après ça a commencé. Après, c'était le film qui m'a entré à l'ONF. Mais, vous savez, la vie est une rêve, donc et tout est un jeu, donc c'est ça le résultat. Presque 8-9 ans après ce que j'ai commencé à avoir. Oui, ça fait presque 9 ans. Et ensuite, Druxflux. Il y a une réflexion derrière cette trilogie qui est très politique. Tout est politique, oui. Tout est. Les trois films sont très politiques. C'est le pouvoir et l'art. D'abord, c'est l'idéologie, la propagande et l'art. C'est l'industrie et l'art. Et évidemment, Gloire et Victoire, c'est l'haine, le conflit et la guerre et l'art. D'où est venu en fait, à chaque fois il y a aussi un travail avec la musique évidemment et les musiciens, à chaque fois il y a un choix très précis. Oui. Eh bien, en fait, dans tous les trois films, ça commence par la musique. C'est ça. Tower Power, c'est une pièce de Sviridov. Évidemment, il n'y a pas eu de sous-titres, des Oui. titres qu'on ne savait pas. C'était Sviridov qui. Le choix de musique, c'était aussi très important parce qu'ils ne sont peut-être pas compositeurs, ils sont mis évidemment des véritables problèmes avec les partis communistes, la censure, tout ça. C'était vraiment des différents conflits entre lui et même si la musique est un art abstrait, ils ont été pas mal poursuivis. Même Mossolov, qui a écrit la musique de Druxflux, a été emprisonné, était envoyé en prison, en camp de travail de Sibérie. C'était la seule pièce en fait qui est restée de Mossolov à cause de ça. Après ça, même cette pièce-là était vraiment une archive, c'était un travail archéologique de la trouver. Il est resté grâce à une performance dans les années 20 des Philharmonies de Philadelphie, qui était enregistrée dans l'époque. En fait, c'est une symphonie. Tout ce qui est resté de cette symphonie, c'est ces 4 minutes. T'as bien cette idée de choses qui existent finalement fugaces, enfin qui a été pris par un moment de l'histoire. Il y a aussi évidemment Third Page qui est repris d'un morceau d'Hendrix, enfin d'un morceau d'Hendrix, qui est enregistré dans des conditions aussi, dans un bar, un concert, voilà. Stevie Ray Vaughan. Et c'est important cette idée de côté presque éphémère, et, ou en tout cas qui a réussi à combattre les effets du temps et de la censure, par exemple. Ben, moi, je suis un archéologiste, je suis un patient. J'adore l'archéologie et de trouver des trucs qui étaient mélangés, de mettre dans un bois tous les éléments dans le musée que j'ai dans ma maison, dans ma tête. Quand j'ai vu les trois mois à la suite, la première fois, je me suis rendu compte à quel point, en fait, les deux premiers commencent très vite, très fort, mm-hmm. avec beaucoup de musique, alors que Gloria Victoria commence... Oui, c'est un concept un petit peu différent. C'est vrai, la musique de Shostakovich est un petit peu dans le structure de Bolero, qui est aussi amené sur cette piste-là. Donc, et puis, c'est la façon que la guerre commence. La guerre commence jamais, boum, on servait, et voilà la guerre. Ça commence vraiment, la haine et tout le conflit commence toujours petit pas par petit pas. On ne se réveille pas avec les bombes qui tombent, on commence à se haïr avec notre voisin très tranquillement. Et c'est ça que j'ai pensé de mettre dans le film aussi. Pourquoi cette thématique très forte depuis, il y a re-signé en décembre aussi, sur le conflit et la haine, c'est par rapport à ce qui se passe dans le monde? C'est par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, de haine qui on a maintenant. Je pense qu'en fait, la guerre n'est jamais cessée. Pour moi, il n'y a eu jamais l'amnistie, tu sais. Et puis, l'autre chose que je pensais aussi, c'est, oui, c'est, en fait, c'est le conflit qui est toujours qui est évident. L'idée a commencé pour Gloria en lisant un livre de Francis Fukuyama qui s'appelle La fin d'histoire, dans lequel il explique que, vous savez, le libéralisme a gagné contre le communisme et le fascisme. Mais vous savez, il a une nostalgie, véritable nostalgie pour le conflit et pour le temps de guerre. Alors c'est ça qu'il a écrit. C'était dans la fin du XXe siècle quand il a écrit ça. Il a dit, donc je pense que comme il y a cette nostalgie, les conflits ne vont jamais arrêter. Donc il expliquait les autres prochaines places, points dans lesquels le conflit va commencer. C'est évidemment la religion et c'est la religion qui va apporter les autres conflits. Et bon, comme vous voyez, ça se passe. Comment on arrive à... Alors, il y a quelque chose de passionnant, c'est que tu as mis en place un blog mm-hmm. sur la trilogie, justement, mm-hmm. où tu expliques toutes les influences. Comment on arrive à gérer toutes ces influences? Parce que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup sur les recherches, sur les influences. Comment on arrive à gérer toutes ces influences-là? Peut-être parce que c'est plutôt inconscient, ou peut-être, oui, en fait, j'ai une construction très claire de tous les films que j'ai fait, donc l'architecture est là, donc c'est juste les détails qui j'ajoute. Comme d'habitude, je sais qu'est-ce qui se passe au début et qu'est-ce qui se passe à la fin, c'est juste ajouter, de remplir avec des différents éléments. Là, est-ce que sur des projets comme ça, c'était venu l'année dernière, on avait parlé beaucoup de projets, des derniers projets, mm-hmm. Qui étaient beaucoup plus dans une énergie, même si là, il y a une énergie. Est-ce que là, tu as quand même quelque chose de très précis, un storyboard, une animatique, quelque chose comme ça, sur un projet comme Gloria Victoria, non plus? Non. Le storyboard et l'animatique, moi, je ne fais jamais ça. Ça m'ennuie, je ne peux pas faire ça. C'est pas pour moi, quelqu'un d'autre. Et comment tu avances par rapport à un film comme... Parce que Gloria Victoria a une... Enfin, ça fait la deuxième fois que je le vois, et là, en relief ici. Mmh. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez implacable dans l'énergie qui est développée. Et on a l'impression que tout est parfaitement calculé. Mais c'est pour ça que je ne fais pas de storyboard et tout ça. Parce que je veux connaître vraiment l'énergie. L'énergie initiale d'un film. Pour moi, c'est très important que je commence une film de le faire dans un souffle. C'est pas important que le film soit parfait ou que le film soit bien fait ou que les gens comprennent le film. J'aimerais, comme Bresson le disait, je préférerais que les gens sentent premièrement le film avant qu'ils le comprennent. Et s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. S'ils ont senti quelque chose, c'est assez pour moi. Pour moi, le film rentre ici, pas ici. Alors c'est drôle parce que, si je peux me permettre, Florence, quand on s'est vu à la fin de la projection hier, tu m'as parlé du film. On a parlé très rapidement, il y a un micro. Si tu veux juste dire ce que tu disais en sortant, et tu me disais justement qu'il y avait une émotion en fait. Ah oui, moi j'ai été très émue pour le film de Théodore. Moi, c'est le genre de film, ça me fait pleurer quoi. Ça m'a fait pleurer ton film. parce qu'on sent ça, on sent cette énergie. Et puis effectivement, bon, t'essayes pas de raconter une histoire linéaire en plus. Donc effectivement, on n'a pas cette souci de compréhension et je trouve ça super quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'après, c'est toutes les images que ça évoque, c'est tout le. Toutes les images à la fois artistiques, politiques et historiques, et puis le ce dont on veut parler, c'est tellement, c'est voilà, ça, voilà, moi c'est ouais, voilà. Merci de me rassurer. C'est vrai, mais des fois t'es là, t'es dans une manifestation, puis t'as les larmes qui te montent aux yeux, tu vois des choses comme ça, et puis ça a été le cas pour ton film, moi ça m'émeut vachement, puis oui, toutes les références artistiques, puis, okay. Tu vois, ça me fait penser à... Oui, j'imagine que c'est volontaire, mais à l'idée aussi, puis aux gravures de Mazarelle, tout ça, je trouve ça magnifique. Oui, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé hier pour l'idée. Quand je faisais le film, c'était pas conscient, mais en fait, j'ai vu l'idée au milieu de mon travail de ce film-là, et je me dis, ok, ça c'est quelque chose de très, très intéressant. Je pense que aussi m'a influencé pour l'idée de faire le film plus simple possible. Parce que vous savez, l'idée de Bartosz, c'est très simple. Et aussi, que je trouvais très, très intéressant, c'est l'influence. Quand j'ai commencé le film, je ne sais pas, mais j'ai eu toujours dans la tête les images de Franz Mazarelle. Et même, je ne savais pas que l'idée est basée sur l'illustration de Franz Mazarelle. Quand j'ai vu, je dis « Waouh !» Et voilà, quelqu'un qui a pris la même piste. J'ai toujours eu l'image de Franz Mazarelle dans la tête. Ouais, puis je pense aussi, je pense que de ne pas faire de storyboard et tout ça, et de se laisser guider par son... Bah, ce que tu dis en disant qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et puis qui arrivent, et qu'il y a une espèce d'intuition comme ça qu'il faut laisser... qu'il faut laisser venir et qui peut être aussi bridé par le fait de trop intellectualiser et de trop prévoir à l'avance les images qu'on va faire. En fait, il faut aussi se laisser guider par sa propre intuition. Intuition, oui. L'intuition, c'est le mot. Je pense que dans ton travail, tu as aussi pas mal sur l'intuition, si je ne me souviens pas. Ouais, après, ça marche pas. À point de vue purement basique, l'intuition, c'est super bien quand vous dites ça, mais je me dis, il y a des gens qui débutent dans la création ou quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une... vraiment purement économiquement, vous dites intuition, je sais pas, on parlait tout à l'heure de dossiers, toi, Florence, il faut faire des dossiers pour le CNC ou des choses comme ça. Comment on réussit à garder l'équilibre entre justement cette intuition voulue, toi, Théodore, t'es à l'ONF, c'est plus une institution qui permet finalement un peu de travailler cette Il m'en permet parce que ça coûtait pas trop cher, et puis c'est, ça arrive pas, c'est exceptionnel. Ouais. Comme d'habitude, on prépare tous les dossiers, ça ne passe pas maintenant. Si maintenant je propose le projet comme il a été fait en 2005, ça ne passerait pas. Maintenant, ce n'est pas possible de faire ça. Gloria Victoria a été fait à cause que Taubau a eu un succès dans les années 2005. Et parce que Marcel Jean était en tête de ça, donc il était tout à fait iconoclaste, tout était possible. Moi, je dirais exactement la même chose. C'est plus possible non plus. Si on regarde le et plus ça va, plus on nous empêche justement d'être uniquement sur des trucs intuitifs, comme on nous empêche de rater, parce que ça va avec. Mais bon, ça c'est un autre point. Mais je voulais juste dire que quand j'ai commencé, si il faudrait un jour que je montre le storyboard que j'ai, enfin le storyboard entre guillemets, mais le dossier que j'ai donné au CNC pour Amam, donc mon premier film. Ça ne ressemblait en rien, ni à un storyboard, ni en rien, et ça ne ressemble en rien au film. C'est-à-dire que j'ai donné un document qui était un départ de travail, en fait. Pour moi, c'était un départ de travail. Après, ça devait effectivement évoluer jusqu'à ce que ça soit devenu Amam, quoi. Mais Maintenant, on ne peut plus donner au CNC ce type de document. Donc, ce que j'avais donné, c'était un espèce de document comme ça, qui était en accordéon, qu'on dépliait comme ça. Et puis, il y avait une série de dessins. Comme j'avais travaillé beaucoup sur le hammam et tout ça, j'avais donc essayé d'ordonner un peu les dessins que j'avais déjà faits, plus de rajouter des idées qui me semblaient des idées d'animation que je n'ai pas fait dans mon film, d'ailleurs, parce que c'était trop compliqué. Et puis maintenant, c'est vrai que sur le dernier dossier, il faut, et on nous demande obligatoirement une écriture, non seulement une écriture une écriture écrite, quoi, puis une écriture de l'image. Enfin, c'est même à la limite l'écriture de l'image, on nous la demande presque plus, quoi. Ça, on pourrait n'avoir un truc que sur un scénario alors qu'on fait de l'animation. Donc, et mine de rien, le fait de pouvoir passer de dessins comme ça, d'idées. Enfin, moi, je pense que si un film il se travaille pas à chaque étape, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vachement difficile pour moi, le scénario, storyboard, il enferme le film. Alors, ça peut être très bien, mais il enferme le film dans un truc qu'on a décidé à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand on voit le storyboard et le scénario au CNC, on sait exactement ce que va être le film, c'est exactement ce qui est donné dans le storyboard et le scénario. Alors que pour moi, un film, ça avance à chaque étape de création, enfin à chaque étape. Donc, il y a un petit storyboard qui est juste un truc de départ, éventuellement, pour se donner un chemin. Et puis après, ça évolue et c'est de plus en plus difficile d'arriver à être maître de cette évolution, en plus. Mais sur Méandre, par exemple, quand vous êtes trois réalisatrices, ça, c'est plus compliqué. Comment ça se passe, voilà, cette liberté que vous avez, que vous essayez d'avoir chacune par rapport aux autres? Ça doit être compliqué, il faut avoir une structure quand même. C'est super compliqué, donc ça, c'est un peu une histoire là, un peu plus compliquée. Mais non, là, effectivement, quand on était trois, on était obligé de se donner des règles au départ. Et c'est d'ailleurs ce qui a un petit peu compliqué les choses aussi dans la réalisation. C'est que moi, pour moi, les règles, enfin, aussi bien avec la productrice qu'éventuellement avec les autres, moi, les règles, elles se transformaient au fur et à mesure du travail, ce qui n'était pas forcément le cas des autres. Voilà. Mais en même temps, non, c'était un peu... Oui. Ouais, mais tu es obligé, on était obligé de se donner des règles, ne serait-ce que pour savoir dans le cheminement du film qui faisait quoi, comment on partageait le travail et tout ça. Mais je voulais vous montrer, je la montrerai demain, ça a déjà été montré, sûrement l'une des plus belles choses que j'ai pu voir cette année, grâce à l'AFCA. Je vous montre juste un tout petit bout, hein, on regardera ça en entier. Grâce à l'AFCA qui a récupéré ça, Jean-Baptiste Garnero, c'est des images, donc il y a des images inédites de l'idée de Bartosz, plus des images de films qu'aurait pu faire Bartosz, puisqu'il n'a fait que ce film-là. Et c'est d'une force. Alors là, c'est un petit peu, je vous montre juste un tout petit bout, mais. Il y a une compréhension de l'image même animée, d'une réflexion sur et l'abstraction et la narration que je trouve très forte. Donc ça, c'est un peu... Et alors, à la fin, je suis désolé, mais si vous revenez demain, on aura un débat absolument passionnant sur l'image par image et l'animation et l'image par image. Voilà, et notamment ce film qui s'appelle Cosmos, qui aurait dû être fait donc avec... On cherche hors demain, en plus on le verra avec la lumière éteinte. On couleur un tout petit peu après. Hop, là on passe. C'est juste un petit peu après. Je les ai revus tout à l'heure. Je les ai pas revus, voilà. Les 50 ans, quand on parle de Norstein qui filme le brouillard, des choses comme ça, on a déjà, on a l'impression que Bartosz est déjà... Ça, c'est le Bartosz, oui. Oui. C'est des images inédites de Bartosz. C'est un film qu'il aurait dû faire, alors Jean-Baptiste Garnero qui faisait la rencontre à Bru et qui était absolument passionnant, nous expliquait vraiment bien voilà, comment il a retrouvé dans les cartons de l'AFCA ces images incroyables de Bartosz. Voilà. On est dans les années 50, hein. Comment... alors voilà, on les reverra demain. Alors, cas, veut bien qu'on les revoie demain par rapport à ce débat. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est comment réussir à passer avec de l'abstraction, ce qui est assez le cas avec Gloria Victoria, avec cette trilogie, finalement, comme le disait Florence, des émotions très fortes, une énergie vraiment politique, vraiment voilà, de militantisme quelque part, mais qu'on met pas... C'est pour ça que ça m'intéressait aussi de ne pas avoir le début, les petites phrases au début, le contexte même dans lequel tu l'as écrit, pour que chacun, je me rends compte que chacun peut se l'approprier comme il en a envie, ce que disait un peu Florence. Comment on arrive à travailler ça? Pareil, toujours en travaillant sur l'inconscient et sans... Je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait ce film-là. Tu prends quelque chose et tu le fais. En fait, je me souviens, ce qui m'aidait beaucoup, c'était qu'il y avait des démonstrations dans la rue des étudiants de printemps québécois l'année passée. Et quand tout ça s'est passé, vous savez, toutes les rues entières remplies avec les étudiants, avec les drapeaux rouges qui se sont battus contre la police. Et ça, c'est... Donc, j'ai sorti dans la rue, j'ai pris l'énergie, je l'ai amené dans mon ordinateur et comme ça. Ça arrive. Oui, il y a une vraie volonté pour toi de par rapport à ce qui se passait en Turquie. Oui, c'est voilà, toutes ces rébellions autour du monde finalement nourrissent ton travail. Évidemment. Mais ils nourrissent au niveau de l'énergie par rapport au montage, pour venir de manière un peu plus technique. Est-ce que ça, c'est des films que tu as montés toi-même ou comme les journaux de l'Ipset, tu les as donnés à quelqu'un pour les monter? Non, ça c'est des films qui étaient montés à moi, mais 100%. Tu les montes au fur et à mesure ou tu... Comment se passe la création d'un film comme Gloria Victoria? C'est un montage au fur et à mesure, c'est des images que tu crées, tu dis tiens là il en manque. Il y a cette intuition, comment elle se travaille? Ça se passe. Donc je mettrai la musique, je fais chaque scène une après l'autre. Je commence au début, je finis à la fin. Je ne travaille pas au milieu, c'est vraiment comme progression jusqu'à la fin. C'est comme ça que je travaille. Est-ce que le fait d'être justement un peu plus dans l'abstraction, tu as besoin de ce cadre que tu te donnes? Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille avec des cadres très précis malgré le fait qu'on ait l'impression qu'il y a cette énergie folle? Oui, il y a des cadres très précis, mais je le fais disparaître au fur et à mesure en travaillant. Donc chaque cadre vient d'une idée qui était en avant. Donc chaque cadre suit le cadre, le scène qui était en avant. Vraiment, j'ai suivi les musiques et l'énergie de la musique qui m'inspire pour chaque prochain. C'est vraiment une façon d'intuitif et abstrait de créer ça. Et comme j'ai dit au début, j'ai juste le concept et la construction de l'architecture. C'est tout ce que j'ai au début. C'est vraiment comme du free jazz? C'est-à-dire qu'il y a... On a le rythme, autour de ça, on fait le petit détail, le petit fringe. Jérémy, toi, on a l'impression que c'est un peu différent. On passe, c'est bien d'avoir des choses différentes. Là, tu as un film avec Palmipedarium qui joue sur un rythme qui est complètement différent de ce qu'on avait eu avant. Prends un peu une histoire vertébrale, quelque chose de beaucoup plus lent que ce qu'il y avait eu dans Skizen, où on a l'impression qu'il y a moins d'informations. Tu as voulu moins donner d'informations que dans Skizen ou dans l'histoire vertébrale. Elle vient d'où l'idée de Palmipedarium? L'idée du film, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est un film que j'ai attaqué de différents angles, qui évoquait pour moi, je voulais en fait aborder les films différemment par rapport à ce que j'avais fait avant. C'est-à-dire, avant j'avais des concepts qui étaient plutôt très établis, et le film s'inscrivait dedans de manière claire, tout était donné au spectateur, les clés et tout ça. Et là, dans ce film-là, je voulais que le spectateur le vive de manière un peu différente, et donc il fallait forcément que je le fasse aussi moi d'une manière différente. Et c'est marrant d'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Théodore, on fait des films complètement différents. Ça ne m'empêche pas d'apprécier énormément tes films, évidemment. Mais l'approche même est différente. Mais dans ce film-là, Palmipedarium, j'ai travaillé aussi le. Alors j'ai dû passer par l'animatique et le storyboard, parce que sinon, c'est des films où c'est difficile de s'en passer. Mais l'écriture même s'est faite un jour, j'ai écrit du début à la fin, et je voulais garder une tension, essayer de me représenter visuellement cette progression dramatique du film, me la représenter vraiment de manière physique, pour construire et écrire autour de ça, sans perdre, sans désamorcer une seule fois la tension dans le film. Donc en fait, je ne donne pas. Je crée beaucoup d'attentes autour d'événements, etc., des rencontres dans le film, mais c'est jamais, il n'y a jamais la réponse. Et je ne désamorce jamais cette attente ensuite en livrant une réponse claire pour le spectateur. Donc en fait, il y a cette espèce de progression comme ça que je voulais très linéaire. Et je crois que j'ai fait en partie ce film avec cette idée en tête de conserver une tension, d'évoquer des choses qui étaient liées à l'enfance aussi, qu'on n'avait pas, qu'on ne comprenait pas forcément, parce que c'est difficile de... Quand on est enfant, on peut passer d'un état à un autre, il n'y a pas de logique, vraiment. Et je voulais qu'on aborde le film en tant que spectateur un peu de la même manière, qu'on suive quelque chose, mais qu'on ne sache pas très bien où ça vient nous amener. Voilà. Il fallait que ça reste, il y a un petit côté... En effet, alors c'est des films vraiment différents, mais j'emploie le mot impressionniste là, dans l'idée plus d'impression de que le spectateur finalement s'empare, peut-être un petit peu moins dans méandre, parce qu'il y a beaucoup plus de dialogue finalement, et ça part, on va en parler d'un texte littéraire, mais plus que le spectateur s'empare, c'est drôle que vous veniez en fait aujourd'hui, c'était un peu voulu, mais par rapport à la série, où on parlait ce matin qu'il faut absolument donner du sens, que tout soit bien expliqué au spectateur, qu'il n'y ait pas la possibilité pour lui d'avoir sa propre interprétation finalement. Est-ce que ça, c'était important pour toi justement dans le travail, qu'on ait cette impression que chacun avec son enfance puisse finalement se projeter, pas en empathie, mais dans sa propre réflexion sur l'enfance dans le film? Oui, c'est totalement assumé dans le film que des personnes puissent passer au travers de certaines scènes. Mais j'essaie de garder, de donner de l'espace en fait, à la réflexion aussi, avec des plans assez longs où il ne se passait pas forcément grand-chose. Et souvent, c'est vrai, c'est ce qui manque, enfin ce qui me gêne actuellement, c'est que tout doit être au cordon le plus vite possible, sans perdre le spectateur, en tout cas en essayant de contrôler un maximum ce qu'il pourrait ressentir à tel ou tel moment. Alors, ça peut être aidé par une musique qui va nous dire quoi penser, ça peut être aidé par plein de choses. Et du coup, on n'est jamais réellement, en tant que spectateur, dans l'épaisseur du film. Voilà, on est souvent très très guidé. Donc c'est forcément un petit peu en réaction à ce genre de cinéma. Et moi, ce qui m'a impressionné la première fois où j'ai vu Panipedarium, c'est vraiment toute la force qu'il y avait, notamment dans Skizen, hein, qui était dans cette voix, dans cet acteur qui racontait son histoire, avec la musique, qui aussi était très important. Là, c'est en effet, c'est même à la rigueur, les personnages, l'acting, là, on a l'impression qu'il y a... Tu travailles sur le minimum, tu tentes de travailler sur le minimum d'acting, le minimum d'expression faciale. Il y a vraiment l'idée de je tourne autour de cette idée de ne pas trop en dire, parce que je la trouve fondamentale dans le film, et je la trouve complètement à contre-courant de beaucoup de choses qu'on peut voir aujourd'hui. Bah, c'est à la fois la force et la faiblesse de l'animation. Ça peut être très efficace... Pour faire passer des émotions et tout ça avec un design et des expressions, une palette d'expressions qui tout de suite permet de figer telle ou telle émotion, et en même temps c'est souvent très réducteur dans la mesure où ça va nous inciter à penser ça et pas autre chose. Finalement, la subtilité, le curseur d'expression n'est pas si large que ça. Et bon, c'est pas un film où je voulais forcément comme je disais, le but c'était quand même qu'on soit un petit peu perdu en tant que spectateur. Donc si je donnais, je voulais pas que les personnages expriment des choses de manière avec beaucoup d'emphase, forcément. Sinon, je donnais trop de clés au spectateur. Puis bon, il n'y avait pas lieu d'être comme ça. Quoi. Mais dans la création, est-ce que ça veut dire que toi, tu as modifié ta perception du cinéma et des choses créatives, on va dire, voilà, de ton storyboard, de ton animatique? Tu t'es dit, il faut que je pense à complètement différemment ton rapport à la musique qu'il y avait avant, avec notamment la composition de Nicolas Martin, qui était très, très importante, on va dire. Là, tu as tout repensé, tout redéfini. C'était quelque chose qui était évident dans la tête? Ou alors, est-ce que, je ne sais pas, tu as vu des films, tu t'es fait beaucoup de recherches en disant, bah tiens... Non, mais il y avait toujours des moments où j'en disais trop, alors d'un coup, le film devenait autre chose. Non, je voulais vraiment que ce ne soit pas un film confus, mais un film où on soit un peu paumé, un peu perdu dans sa manière de vivre le film en tant que spectateur. Donc, y a des fois où j'ai tenté de la musique et je me suis dit, mais pourquoi je mets de la musique là? C'est débile. Et du coup, je l'ai fait faire, évidemment, parce que c'est plus drôle. Et après, je n'en mets pas. Mais Non, non, mais et du coup, c'est vrai que c'était. J'avais pas l'habitude de travailler comme ça, donc c'était pas très confortable pour moi non plus, parce que c'est. Et même encore maintenant, je le vois, j'ai toujours un peu de mal à. Je suis pas très bien assis souvent, et parce que c'est pas évident même pour moi, donc j'imagine encore plus pour ceux qui le regardent. Il y a des choses qui sont volontairement floues, parce que c'est lié à l'enfance, c'est lié à l'imaginaire, et l'imaginaire qui va. Qui cohabite avec le réel, qui disparaît dedans et qui en même temps on sent une grosse absence à la fin de l'imaginaire, justement, d'un coup, il y a un gros vide à la fin. Donc, tout ça est construit autour aussi de cette émotion-là qui est. Je suis en train de partir dans tous les sens. Mais il y a plein de choses intéressantes. Cette structure que tu as réussi à avoir, on disait que l'ONF c'était de plus en plus difficile, on disait que par rapport au CNC en France, d'avoir. Là, c'est le premier film que tu fais, comme tu dis, en étant ton propre producteur, à l'intérieur de Papy 3D. Avant, tu avais toujours des gens, Dark Prince, qui ont travaillé avec toi en disant bah, ce serait bien que tu changes ça, etc. Là, comment ça s'est passé d'être ton propre producteur et d'avoir un retour nécessaire de soi-même, finalement, sur sa propre création, qui est toujours, c'est toujours difficile, de se dire non, là, c'est vraiment. Je fais une erreur, ou là, ça c'est vraiment bien. Alors déjà, on est plusieurs chez Papy 3D, on est 7 ou 8, d'ailleurs, il faut vraiment que je sache combien exactement. Et du coup, on a quand même un regard sur le travail des autres en amont. Parce que d'être tout seul, finalement, c'est une chance, mais ça peut être aussi. On a besoin quelquefois, pas d'un contre-pouvoir, mais d'avoir. De devoir argumenter à quelqu'un des choix, des choses comme ça. Donc. Là, c'était le premier film, effectivement, avec Papy 3D. Alors, effectivement, ça multipliait le malaise que je pouvais avoir sur ce type de film. Déjà, ne serait-ce à l'état du dossier. Alors, moi, je suis absolument pas doué pour les dossiers. Je mets à peu près le même temps qu'il faut pour fabriquer le film que pour faire un dossier. Enfin, en tout cas, pour séduire avec ce dossier-là. Le dossier va assez vite, mais à chaque fois, il y a des étapes où on va être, en fait, amené à le représenter parce que les gens n'ont pas bien compris ou... il faudrait préciser tel ou tel point, ils ne sont pas bien sûrs. Je ne suis vraiment pas doué pour ce truc-là. Donc avant, c'était les producteurs qui t'aidaient? Non, pas du tout, on me laissait faire, s'en foutait. Et ça passe. C'était mon travail, c'était un mode de faire. Enfin, j'aime bien faire les dossiers, mais, hein, parce que là, je veux pas que les choses m'échappent, mais ça demande, c'est assez laborieux quand même pour demander. Il y a des gens qui arrivent très bien à séduire sur un dossier, tout ça. Moi, j'ai un peu de mal de vendre. C'est drôle, ça, c'est le grand truc aujourd'hui à la mode. Comment vous, tous les trois, j'imagine, avec vos univers, est-ce que vous pitchez devant vos producteurs? Florence, toi, comment tu fais pour présenter un projet à tes producteurs, ou à Dora, ou là, le dernier Non, je ne pitche pas. Le seul pitch que j'ai fait, c'était pour essayer de présenter la traversée. Je n'avais pas préparé du tout, je ne me rendais absolument pas compte de ce que ça voulait dire que pitcher quelque chose. Je crois que j'ai appris ce terme en y allant à Cartoon. Donc je ne savais même pas ce que c'était et arrivé. Alors que, en général, je me dis que je me débrouille assez bien parce que, comme c'est mon travail et tout, j'arrive à parler. J'ai l'impression que j'arrive un peu à parler de mon travail. Mais là, c'était pas. Non, non, je ne pitche pas. Et puis, Dora. On se connaît, j'ai pas besoin de la convaincre, on se connaît depuis longtemps. Là, je vais parler du projet des métamorphoses. Et puis, voilà, de toute façon, c'est comme ça. Oui, et puis en plus, j'ai eu beaucoup de chance aussi, enfin, beaucoup de chance, je sais pas si c'est de la chance, mais parce que le projet, c'était aussi une série d'ailleurs, puisqu'on en vient aux séries. Donc, c'était six histoires des métamorphoses d'Ovide. Les unes, enfin voilà, et puis le film qu'on a vu, c'est un film qui réunit les choses, donc ça on pourra en reparler après. Mais et j'ai eu aussi de la chance parce que pour France Télévisions, c'était Vincent Nguyen, non, comment il me trouve, Roland. Qui en fait, il a même pas, il a à peine voulu voir deux dossiers. On avait fait un projet, c'était pas encore, enfin il n'y avait pas de storyboard, mais c'était en tout cas le projet. Et il disait, mais moi, de toute façon, il partait à la retraite, peut-être que c'est pour ça, mais il a dit, de toute façon, moi, les métamorphoses d'Ovide faites par Florence, ça me va, elle peut y aller, quoi. Donc j'ai même pas eu besoin de présenter. Enfin, pour la forme, on a présenté quelque chose, mais c'était des dessins, des essais, mais pas un storyboard ni un truc. Et pour le dossier au CNC, pareil, c'est. Le dossier au CNC, Oui, on a dû faire un... Oui, là, oui, on est... Oui, du coup, le dossier de CNC, on a fait des... On a... Mais il y avait une partie qui est faite avec les mains directement, donc on avait fait des essais, puis on avait donné ces images-là. Plus, je crois, un storyboard sur les... Sur, et oui, on a été obligé de faire un scénario. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, du coup, puisqu'on était trois. Donc, le scénario, il a été... T'as réussi à donner ça à quelqu'un d'autre. Pourtant, les... Et Elodie Baudet qui... C'est Elodie qui... Enfin, on en discutait ensemble de la façon dont on allait faire les choses, mais c'est elle qui a écrit le... Plus écrit le scénario de façon conventionnelle, quoi. Est-ce que cette idée de méance est venue aussi, en effet, de ce test, pas défi technique, mais de... Parce que tu travailles donc le sable, mais c'est fait un peu de manière différente, c'est pas un bon titre, réellement. Si, il y a les deux, en fait. Il y avait... En fait, c'est né d'une... On avait fait une... Beaubourg nous avait demandé de faire une performance... Enfin, avait demandé à Mathilde Philippon, plus exactement, de faire une performance avec des rétroprojecteurs qui projetaient et avec du sable et des rétroprojecteurs, en fait. Non, mais l'idée, c'était surtout des rétroprojecteurs. Et du coup... Mathilde ne se sentait pas de le faire toute seule. Elle travaillait à ce moment-là, elle travaillait dans mon atelier. Et du coup, on l'a fait à deux. Et puis, en cherchant comme ça, on a travaillé, on s'est dit qu'on allait travailler avec deux rétroprojecteurs. Alors, c'est assez compliqué. Je ne sais pas si ça se voit dans le film, finalement. Mais on travaillait avec deux rétroprojecteurs qui mélangeaient une seule image sur l'écran. Ce qui fait qu'en fait, moi, je travaillais de mon côté. Alors, quand... Bon, pour expliquer, c'est quand les deux rétroprojecteurs sont allumés, même s'il y a des choses qui sont dessinées sur les deux rétroprojecteurs, c'est sur X. Donc en fait, sur les deux images, quand elles concordent l'une sur l'autre, quoi, on ne voit rien. Donc s'il n'y a pas l'une ou l'autre des protagonistes qui cachent quelque chose sur les rétroprojecteurs, on ne voit rien. Donc, si on met du noir, si par exemple on dessine une tête sur un rétroprojecteur et que moi je dessine quelque chose sur le mien et que les deux rétroprojecteurs sont allumés, en fait, on a une image qui est surexposée. Et si on met une main, on va avoir soit un gris, soit un noir en fonction des. Donc, en fait, c'est assez compliqué parce que on dessine quelque chose, mais c'est l'autre personne qui révèle ce que nous on dessine sur le rétroprojecteur. Donc il y a une espèce de truc comme ça à quatre mains, ou enfin en tout cas à deux. Et c'était, voilà, donc ça c'était le principe, on s'est rendu compte de ça. Et puis ensuite, moi j'ai proposé de travailler sur les métamorphoses, parce que justement ça permettait de dessiner des choses, et puis que quand il y avait la main de l'une ou de l'autre qui passait, ou les deux mains en même temps, enfin s'il y a deux mains en même temps, après si les deux rétroprojecteurs sont noirs, on ne voit plus rien. Donc on avait un blanc sur X, deux gris finalement, et puis des noirs qui révélaient des images, et du coup ça composait une image qui était faite par deux personnes et avec des hasards comme ça, parce qu'on savait pas trop où le trait de l'une allait aller par rapport au trait de l'autre et tout ça, donc ça c'était le principe de... Et du coup quand j'ai proposé de faire la série sur les métamorphoses, c'était utiliser à la fois ce système-là, c'est-à-dire de nous filmer, nous, en train de faire directement donc, certaines images, et ensuite l'animation qui partait toute seule. Il y a l'idée de revenir aussi au début du cinéma d'animation, l'idée de voir les mains, qui était le début, plus des métamorphoses. On a l'impression qu'à la fois le sujet et finalement la meilleure technique dont vous le faites revient au tout début de... Oui, mais sauf que les mains, c'est pas animé, c'est vraiment en direct, quoi. C'est pas animé du tout. On filmait avec l'appareil photo numérique qui permet de filmer en HD, quoi. Mais comme la main de l'animateur qui arrivait dans les premiers films des Fleischer ou voilà, tout, c'était, oui, c'était, peu, c'était, c'était le côté un peu comme on travaillait sur les métamorphoses et tout ça, c'était le côté un peu du hasard, de celui qui mène, du démiurge, quoi, de faire... Pourquoi les métamorphoses? Je sais que c'est une question qui est un peu vaste et un peu évidente, mais pourquoi cette envie? Puisque récemment, on en a parlé, il y a eu une rencontre, il y a eu une projection à Toulouse et on t'a accusé... Enfin, non, c'était à Montpellier. À Montpellier, pardon, de faire un film misogyne. Moi, ça, c'est quand même idiot. Non, mais c'est comme si on accusait Théodore de faire un film guerrier, quoi. C'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Hein? Non, c'est les métamorphoses, non, parce que j'aime bien la mythologie grecque, que je pense que c'est des mythes qui ont structuré notre imaginaire et puis qui en fait sont aussi disent beaucoup sur l'homme, sur nous, sur tout ça, quoi. Donc c'était aussi une façon, je pense, que de faire réfléchir sur ce qu'on est et sur voilà les raisons des. Utiliser le passé pour parce que finalement vous faites un peu la même chose, utiliser des références du passé, d'un certain passé pour peut-être mettre en exergue certaines choses d'aujourd'hui, non? Oui, bien sûr. Ouais. Et le travail avec. Et c'est vrai que enfin j'ai pas je sais pas je pense pas que quand on fait un film il faut dire j'ai tel message à faire, enfin le film il parle tout seul, quoi. Il faut pas dire j'ai tel message à faire passer par rapport ça parle tout seul quand on le fait, quoi. C'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression d'être complètement décalé par rapport à tout ce que les gens veulent aujourd'hui. Je trouvais que le festival devenait de plus en plus les gens du marché étaient de plus en plus importants à l'intérieur du festival d'Annecy. On avait l'impression que l'économie était de plus en plus importante dans l'animation aujourd'hui. On a l'impression que vous êtes un peu à part dans cette idée de dire bah moi, elle est là, mais tant pis, enfin, je veux continuer à faire mon cinéma comme j'ai envie de le faire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je suis absolument optimiste sur le futur des animations d'auteur. Je pense que les animations d'auteur deviennent de plus en plus importantes. Il est plus et plus vu avec les nouveaux outils comme Internet, Vimeo, YouTube, etc. Évidemment, avec les festivals deviennent plus importants, pas à cause des films, mais à cause de cette une place de rencontre. Et les gens ont besoin de cette pointe sociale. Et là, c'est force des trucs. Et les gens le sentent de plus en plus en plus. Parce que c'est pas assez, vous savez. Moi, je pense que c'est les gens de l'industrie qui sont mal maintenant. Parce que la télé, c'est fini. C'est la réalité. La télé, c'est une média dépassée. C'est même dans les prochaines années, la radio va devenir plus importante que la télé. Moi, j'ai beaucoup d'amis, parce que personne n'a plus de télé. Ils n'achètent, ils ne regardent pas. Les gens sont des trucs plus importants à faire. La vie passe très, très, très vite. Donc, les films de long métrage se voient moins et moins et moins, même s'ils sont bien faits, ils sont très bons. Le cinéma, c'est fini presque. Si votre film n'est pas de Hollywoodien qui est gros ou investi pour la publicité, ça ne passe pas dans beaucoup de salles, il n'est pas vu par beaucoup de personnes. Donc, le futur du cinéma d'auteur, le cinéma d'auteur qui cherche ses petites places pour se montrer. Le festival, Vimeo, Internet, les galeries d'art, le point de votre téléphone cellulaire, des trucs comme ça. Le cinéma qui est associé avec la vraie vie sociale. Et l'animateur, et je vois le rôle des animateurs comme plus en plus, il doit sortir de son boîte de sardines et de parler de plus en plus de ses films, de ses faits, publicité, de ses faits, voir avec une autre parole très, très, très puissante, et de devenir vraiment des figures plus publiques. En fait, genre, c'est pas moi qui j'invente ça, c'est toujours ça le cas avec les artistes visuels. Vous savez, depuis Andy Warhol, la rôle d'artiste, c'est une rôle publique qui doit passer plus de temps sur les parties et en dansant entouré avec les gens qui sont dans son studio. C'est ça, c'est très important. C'est pas juste ça, vous savez, juste les artistes qui sont maintenant comme des vieux actionnistes. C'était toujours Hermann Nietzsche, après ça, Damien Hirst. Et il a beaucoup, beaucoup de références. Cet artiste roumain qui était caricaturiste, qui a fait des caricatures au début, et après ça, il a commencé de faire ses caricatures sur les murs dans Petrovitch. Il fait des caricatures magnifiques sur les murs des galeries partout dans le monde, ou de sortir son art sur les rues comme Banksy, des trucs comme ça. L'animation doit devenir cette sorte d'art qui est partout, qui s'explose. Mais comment on fait en animation quand normalement on passe plus de temps dans son studio à travailler? On va passer moins de temps dans le studio. Est-ce que donc ça veut dire que toi tu essaies de faire des films au niveau du tournage les plus rapides possible? Mais moi j'ai toujours dit que pour moi une film d'animation c'est comme un cocktail Molotov. Au lieu de mettre des cocktails Molotov, je fais des films d'animation. Pour moi c'est très très important de faire vite et de faire exploder et de vraiment de télémontrer, de faire l'énergie. Est-ce que c'est encore plus important aujourd'hui avec tout le temps que tu as passé sur les journaux Deepset, qui t'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie? Est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment l'idée de vraiment passer à ça justement? Peut-être que je vais faire mon autre film comme le journal de Deepset, mais c'était mon autre cas. Parce que ça veut dire pas qu'on va faire juste ça. Ça fait partie aussi de. Je ne vais pas dire qu'on va faire juste des petits films. Et bien sûr, on va faire les œuvres plus profondes. Ouais, ça, c'est pas contre cette idée-là. Non, c'était pas ce que je voulais dire. C'était vraiment l'idée de toujours, encore une fois, souvent d'énergie. C'est comment on garde quand on a un film du début jusqu'à la fin. Et souvent, je sais pas, Jérémy, ça fait longtemps que t'as pas parlé. Est-ce qu'en 3 ans, 4 ans, combien de temps ça a duré, Palmipédarium, par exemple, du début jusqu'à la fin? Bah, ça dure toujours trop longtemps, mais. Parce que ne serait-ce que pour le temps passé à faire le dossier, à réécrire, etc. Le film, la fabrication du film a duré un peu plus de 6 mois, ce qui n'est pas énorme, mais ce n'est pas énorme comparativement. En général, je fais mes films assez vite. Je n'aime pas beaucoup passer beaucoup de temps. Le plus long, ça a été 6 ans, ça a été. On était deux. J'ai fait ça en 1 an. Histoire vertébrale en 3 mois. Je peux pas passer plus de temps donc, ça sur le film. Donc en fait, le plus de temps. Par contre, je passe du temps seul à après découper comme ça, dans mon temps perdu, le film, mais je ne le vis pas comme la vraie production. À un moment donné, je pose des cases de storyboard, après, alors évidemment, ça peut toujours bouger, mais le plus long, c'est quasiment le dossier, en fait. C'est ça qui est pénible. Donc, en fait, c'est la recherche du financement, de l'argent qui prend du temps. Et pas forcément votre envie, parce que souvent on dit un court-métrage d'animation, ça prend forcément 2-3 ans minimum, on ne peut pas faire moins de 2-3 ans, et ce qui fait que beaucoup de gens se mettent au long-métrage en se disant bah, ça prend quasiment le même nombre de temps, mais souvent c'est ça, plus que c'est la recherche de financement, ou c'est quand même la maturation du projet dans la tête? Non, quand même le temps, ça dépend, encore une fois, l'énergie nécessaire, il y a des films qui demandent une énergie d'être dans le geste, beaucoup plus que d'autres. Après, c'est vrai que finalement, quelquefois, c'est bénéfique de laisser reposer un peu. Et en même temps, ça peut être un piège pour le film, du coup, et obtenir quelque chose d'assez laborieux, où le film, finalement, s'accouche au forceps et perd un peu de sa spontanéité. Donc, il y a un juste milieu qui n'est pas facile à trouver, quoi. Mais. Est-ce que Florence, toi, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait marqué un jour par rapport à la technique, en me disant maintenant que j'ai du retour vidéo, je vois mes erreurs, enfin je vois les erreurs d'animation et donc je les reprends. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je passe même plus de temps qu'à l'époque où tu travaillais en 35, où voilà, et que tu voyais les erreurs, enfin ce qu'on appelait des erreurs, mais en tout cas la vie même de l'animation ensuite, une fois que c'était développé, ah ben oui, tiens là. Peut-être que ça, j'aurais pu faire autrement. Oui, oui, je dis toujours, enfin, j'essaye de mais oui, c'est travailler en 35, on était uniquement dans le geste, imaginer l'animation qu'on allait faire et puis la reproduire, et ça allait beaucoup plus vite que quand on a cet aller-retour. Alors bon, je continue à travailler sans trop, enfin, moi ça me désespère quand je vois effectivement les étudiants qui flippent entre eux. Qui passent leur temps à flipper entre deux images. Bon, avoir ce retour vidéo puis voir l'ensemble d'un plan, c'est bien. Mais c'est vrai, ça me désespère, quoi. Et parce que l'animation, c'est le dessin en mouvement. Donc c'est pas juste une image après l'autre, une image après l'autre, une image après l'autre. Bon, et d'avoir pu travailler en 35 pour justement avoir ce truc-là d'imaginer le mouvement. De le faire et après, mais on gagnait beaucoup plus de temps. Même si de temps en temps, quand on regardait le film, au final, on se disait « Ah merde, faut que je recommence parce que c'est raté, quoi. » Mais ça me prenait, même recommençant, ça prenait moins de temps. Alors c'est vrai que maintenant, dans ma pratique, j'essaye, je me dis « Non, je ne regarde pas avant d'avoir fait de la séquence entière. » c'est une discipline qui est vachement dure, parce que c'est vrai que quand on peut le faire, on regarde quand... Enfin, non, flipper entre deux images, ça non, je ne le fais jamais. J'attends d'avoir 10 secondes de... Enfin, 4 secondes, 10 secondes d'animation pour regarder, quoi. On a des jugements, en fait, toi. Merci. Et alors, pour aller jusqu'au bout de la jumélité, est-ce que, Florence, l'idée de responsabilité d'auteur, de combat, te paraît aussi importante? Moi, je mets du temps à faire les films. C'est vrai que c'est une technique qui est lente. Et c'est un peu contradictoire, d'ailleurs, parce que c'est à la fois une technique qui est lente, mais les outils que j'utilise, c'est-à-dire la peinture, le pastel, le sable, c'est un peu différent, puis là, le méandre, c'est un peu différent aussi. Mais surtout le pastel, c'était une technique qui était très rapide, la peinture, ça peut être très rapide aussi. C'est-à-dire que dans cette technique qui est lente de fabrication, il y a un geste qui est rapide, en tout cas, qui est... Ensuite, le film comme une... Oui, je pense que Enfin, je pense que... J'ai qu'une envie, enfin, puis pour finir là-dessus, là, j'ai qu'une envie en ce moment, c'est de faire des films hyper rapides, justement, qui sont presque sans producteur, sans personne, pour justement essayer de retrouver peut-être la liberté que j'avais au moment de Hammam et que j'ai l'impression de perdre de plus en plus. Bon, si le long métrage se fait, je suis en prison pendant 4 ans, ça c'est sûr. Mais si je ne fais pas, je pense que je vais revenir vers un truc beaucoup plus rapide. Et quant à dire si mes films... Je pense que quelque part, dans la mesure où on c'est peut-être facile de dire ça, mais que dans la mesure où on se positionne un peu dans une autre pratique du cinéma que celle de l'industrie du cinéma, en tout cas des films d'Hollywood, enfin de toute cette industrie-là, rien que le fait de s'y positionner en affirmant qu'on fait des films d'auteur, qu'on est des auteurs, qu'on est des artistes, entre guillemets, ou je sais pas, ça nous donne déjà une autre façon d'aborder l'économie du cinéma, et que cette position-là, elle est forcément par elle-même politique, je pense, quoi. C'est des choix, quoi. C'est déjà des choix politiques de dire je vais faire un type de cinéma qui n'est pas celui que... Voilà, et montrer un type de culture qui n'est pas non plus celui d'une culture dominante. Quoi. Ah, sinon, forcément, c'est vrai. Jérémy, toi, quand tu fais justement avec ce rythme qu'il y a dans le film et le fait, est-ce que c'est conscient l'idée de politique, ou en tout cas, il y a vraiment l'idée, comme tu dis, je veux changer, je vais faire vraiment différemment ce qu'ils aiment, ou dire aussi, j'en ai marre de voir toutes les images qu'on nous donne et de se dire, tiens, je vais donner un rythme qui n'a rien non, à voir. Effectivement, les gens, les décideurs, tout ça, n'aiment pas quand des choses leur échappent. Qui ne sont pas posés noir sur blanc. Ils n'aiment pas ces zones, d'ailleurs, dans la société. C'est valable dans les films, mais aussi dans une ville, à l'échelle d'une ville. Ils n'aiment pas. Bientôt, les motos vont payer, vont stationner. Dès qu'il y a des électrons libres, ils n'aiment pas ça. Et là, franchement, c'est assez vigilant quand on fait du court-métrage, parce que, effectivement, ça va, je suis assez optimiste aussi, mais du coup, on peut aussi en pâtir, c'est-à-dire que. Vu que ça va plaire, enfin, ça plaît de plus en plus, il y a de plus en plus de fenêtres autour de ça, ça va commencer à s'organiser. Et c'est un peu le piège de ce genre de cinéma, c'est que si on commence à avoir des systématismes qui se créent autour de ça, ça va être, on va se recréer notre propre cage. Quoi. Et donc, et c'est vrai que du coup, moi, il faut qu'il y ait des choses qui échappent, il faut accepter, même en tant que, quand on reçoit des dossiers, ça m'arrive d'en lire pour des commissions, que des choses nous échappent, c'est normal. Et ça, c'est dans mon métrage, c'est absolument possible, évidemment. À moins d'être un grand nom, peut-être, dans ce cas-là. Voilà. Bah, on a Jasmine, là, qui fait son film. Ouais, le long métrage, là, qui fait son film tout seul. Le long métrage Jasmine, oui, c'est ça qu'a fait. Mais, non, voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. Et moi, quand je réalise. Pas le pédarien, c'est vrai que j'étais dans cette optique-là, pas forcément tout foisonné, et qu'il y avait des choses qui allaient m'échapper. Est-ce qu'on te l'a reproché? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus, qui évidemment n'attendaient qu'une chose, c'est ce qu'ils aiment d'eux, ah oui, et qui t'ont dit... Est-ce que pour pas faire ce qu'on attend de moi, je fais ça. Mais c'est une réaction. Donc Théodore, par exemple, tu disais optimiste, il y a quand même un combat à mener, c'est-à-dire que le combat, le fait de passer au-delà des fois du... Bah nous en France du CNC, peut-être de l'ONF en disant bah moi je vais faire un film, je vous le présenterai, mais j'ai pas envie que vous regardiez forcément de A jusqu'à Z mon film, ou vous le prenez ou vous le prenez pas. Oh ben oui, il y a toujours des combats, c'est pour ça que je suis optimiste. S'il n'y a pas de combat, c'est pas intéressant. on vit pour être dans le combat, quoi. Et donc le combat, tu nous disais l'année dernière par exemple, et tu le disais aujourd'hui, vraiment l'idée d'aller en festival, l'idée de participer à des rencontres, de parler avec d'autres personnes, c'est... Toutes les sortes de montrer ce qu'on fait. Écoutez, j'ai aussi pas mal de problèmes de passer mes films, par exemple. Peut-être c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que moi, je suis le cinéaste plus libre au monde, mais c'est pas un des trois projets que je propose. C'est genre comme ça, donc c'est... Mais c'est ça qui est intéressant, si ça passe pas en F, je vais faire toutes sortes. C'est-à-dire l'importance d'avoir un projet, de le mener jusqu'au bout, oui. Et aussi de décloisonner, parce que là, par exemple, on a vu là, ce qu'on a fait, mais là, tu vas le faire vraiment avec un orchestre. C'est ça, il y a envie de faire un orchestre symphonique. Cette chose-là que vous avez vue, il va être avec un vrai orchestre symphonique de 50 musiciens à la ville de Poznań, en Pologne, le 17 juillet, dans la place de la République, dans la place de Poznań. Ça va être quelque chose de vraiment... Ça, c'est important, voilà, de le confronter aussi, évidemment, avec un orchestre, de confronter aussi Third Page. Est devenu un triptyque en fait aussi. Third Page, j'ai enlevé, oui, ça c'était le point de départ de Jimi Hendrix et tout ça, mais j'ai enlevé parce que j'ai eu des problèmes avec les familles de Hendrix qui sont commencé à me poser des conditions pas acceptables pour moi, comme on ne peut pas jouer le film avec les autres films. On ne peut pas le mettre dans le DVD avec des autres films, des trucs comme ça. On ne peut pas le mettre en Internet si ce n'est pas le streaming contrôlé, des trucs comme ça. Je dis non, ça m'intéresse plus de collaborer avec vous. Et j'ai engagé une compositeur contemporaine canadienne qui est très bon. Elle a fait une magnifique composition contemporaine de 14. Bonzini, et on va faire aussi des performances en live dans les festivals de musique contemporaine. Donc je rentre avec ces films-là dans le milieu de musique contemporaine symphonique. On a déjà des dates pour le festival à Vancouver de musique contemporaine et tout ça. Elle a adoré de travailler, je lui ai donné toutes les cartes blanches de faire ce qu'elle a vu. Donc c'est devenu vraiment une composition contemporaine. Ce qui est intéressant avec l'idée d'Animation of Limits, hein, qu'a montré Marcel Jean ici, et c'est que toi, en fait, d'Animation of Limits, c'est pas savoir entre la technique, utiliser l'image par image ou la prise de vue réelle, pardon, mais c'est vraiment d'un seul coup de l'amener dans d'autres domaines artistiques aussi, mais tout en gardant l'animation. Parce qu'on a, j'ai pas l'impression, il y a plein de gens de l'animation qui disent je veux passer à la prise de vue réelle, l'animation est trop cloisonnée. Et en fait, toi, tu essayes vraiment de la décloisonner, mais tout en gardant le médium animation. Oui, c'est ça. Ce film-là, on va le présenter dans la galerie d'art des festivals. Tout ça. Mais je pense pas qu'on va le voir au festival d'animation. On va trouver des différentes plateformes de diffusion. Et tout ce qu'on sait. Des gens comme Pierre Hébert ou des gens comme ça, ça reprend un peu cette idée-là. Est-ce que... alors, c'est super riche, il y a plein de choses. Je me rends compte qu'il est déjà midi 10. Est-ce qu'il y a des questions pour profiter dans la salle? Hop. Dans certains endroits de Berlin, en face du mur, etc. Et puis je trouve que vous devriez faire un film comme ça, puis je ne sais pas sur quoi, la nature, quelque chose, mais enfin, dans le même sens, mais quelque chose d'optimiste. Alors, je ne sais pas quel sujet, mais quelque chose pareil. C'est un conseil. Deux questions. Est-ce que Berlin, est-ce que la ville, c'est quelque chose d'important et que. Est-ce que la ville est quelque chose qui est pour toi fondamental dans ton travail personnel? Merci pour cette question. Quand j'ai fait la recherche pour ces films-là, mon producteur m'a dit qu'est-ce que tu as besoin pour le développement. Et je lui ai dit est-ce que tu peux m'envoyer à Berlin? Je suis allé et j'ai passé 2 semaines à faire toutes les Merci pour la question. Et le côté optimiste, pardon, juste le côté, parce qu'on est un petit peu pressé, je suis désolé, hein, c'est très intéressant pour toi, mais et le côté optimiste, l'idée de, est-ce que toi, c'est des films que tu considères des films, comme tu dis, optimistes, ou un petit peu noirs? C'est pas noir, c'est quoi noir, optimiste, pessimiste, vous savez, la guerre, les conflits, la haine a toujours existé, il va toujours exister. Les gens vont toujours se battre, ils vont être toujours en compétition. C'est juste une observation. Je ne veux pas dire mon message, c'est ça et ça et ça. Chacun doit prendre les films comme il veut. C'est ça. Pour moi, ça, c'est le plus important de chacun. Chacun de trouver son propre message dedans. Et quand Florence dit qu'on pouvait dire que ton film était guerrier, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus voir pour te dire? Avec la première conférence et les critiques d'art, et un des points qui était partagé par tout le monde autour de la table, c'est qu'il n'y avait pas forcément un groupe ou une élite, je ne sais pas si on peut dire une élite, mais vraiment un échange dans tous les gens qui réfléchissent et qui travaillent sur le médium. Est-ce que vous, dans le film, même si vous trois vous avez l'air d'être dans un peu la même dynamique, vous avez l'impression que vous faites partie d'une famille où il y a un vrai échange, où il y a un truc qui est en train de se construire, où vous êtes chacun dans votre coin, essayer de lutter est-ce que le combat est général ou est-ce qu'en fait, en animation, on est chacun dans notre coin et... Je crois qu'on a, à partir du moment où la démarche est honnête, enfin, on a une démarche honnête, au moins on se retrouve, c'est ce qui nous rapproche, même si finalement on est très divers. C'est cette honnêteté dans la démarche qu'on respecte chez les autres et qui fait peut-être qu'il y a un lien entre nous et qui peut créer effectivement. Mais c'est vrai que ça se ressent, c'est, enfin voilà, les années qu'on vit maintenant, on ressent davantage ces réseaux qui peuvent exister sur Internet et ces communautés autour de l'animation fédèrent effectivement davantage, plus facilement qu'avant en tout cas. C'est plutôt bien. Est-ce qu'on se retrouve? Oui, Florence. Ouais, moi je dis, ben, je sais pas. On sait, pour moi, il y a des gens, je sais qu'ils existent et qu'on peut se retrouver. Et qu'on a la même façon d'aborder peut-être les choses. Et voilà, ça donne de la force aussi de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et puis que voilà, ouais, c'est, on existe, on est là. On se rencontre, on échange parfois. Et il y en a quelques-uns, il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est comme dans les années 60, avec quand Chuck Jones, McLaren, Trinca se retrouvaient ici? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau en animation, d'être décloisonné des ateliers, des studios où on travaille tout le temps, et ces festivals qui sont de plus en plus nombreux, que vous, là où vous rencontrez, est-ce que vous discutez beaucoup? C'est pour ça qu'on est ici. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on a accepté de venir ici et de se parler avec toi. Ça fait aussi partie des... Vous savez, comme tous les artistes, ils sont pareils, chaque artiste rêve, comme ils vont s'enfermer dans son entier, il ne va pas avoir des gens depuis... Il va travailler sur son chef-d'œuvre de sa vie, mais je pense que ça c'est très dangereux. Et moi j'ai toujours essayé, même si cette envie-là, j'essaie toujours de sortir de ma bonne boîte de sardines parce que je pense que ça marche pas comme ça. Est-ce que c'est pas un problème des producteurs, diffuseurs? Il y a plein de gens qui disent, mais oh, le cinéma d'auteur c'est pour soi, en fait, les gens sont nombrilistes. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas vraiment... Enfin, je trouve que c'est rarement le cas. Il y en a quelques-uns, évidemment. Et qu'il y a vraiment l'envie, chacun d'entre vous, dans des cinémas différents, de partager de toute façon. C'est-à-dire, vous essayez d'être le plus honnête possible et sincère avec votre création, mais évidemment, il y a l'envie de le partager avec des gens. Parce que souvent, on entend ça dire, mais vous faites... Alors, peut-être pas pour vous trois, mais vous faites des films pour vous-même. Vous faites pas des films, vous pensez pas au grand public, au public plus large. Et j'ai l'impression que c'est pas vrai. Au contraire, qu'il y a une responsabilité d'auteur qui fait que vous pensez forcément, peut-être pas un public large, mais au fait que ça va être vu, partagé avec d'autres personnes. Florence? Oui, Moi, je pense que comme dans le cinéma d'auteur, ce qui est bon, on travaille pour chacune de notre spectateur et notre vraiment chacune a été travaillée, a été cherchée, on les cherche. Et ça, c'est complètement différent parce que c'est un rapport quoi, social aussi, comme pour tous les gens qui voient mon film, je les prends comme des amis, comme quelqu'un qui, avec qui on partage quelque chose. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient te voir pour te dire qu'il n'a pas compris le film, absolument, il n'a pas absolument. T'aimes bien même, la même ça, ces gens sont plus importants pour moi. Quand quelqu'un n'aime pas, moi j'adore les gens qui n'aiment pas ce que j'ai fait. Parce que c'est ça qui m'enrichit, c'est ça qui t'estime. Tu trouves la vérité, si la vérité existe. Voilà. Non, moi, je sais pas ce que c'est que le grand public non plus. C'est une notion qui est quand même un petit peu... voilà, ça n'existe pas, quoi. Jamais dans, en littérature, on a fait des différences. Enfin, non, ça existe, au contraire. Il y a des poésies, il y a des romans, il y a des romans, entre guillemets, des romans de gare. Il y a Alexandre Dumas, qui est grand public, qui est un immense écrivain quand même. Enfin, je veux dire, c'est un peu... c'est des espèces de cloisonnements qui sont un peu bizarres. Et qu'effectivement... et puis qu'après, si un poème il est lu par un certain nombre de personnes, c'est pas pour autant qu'il, même s'il y a peu de personnes qui le lisent, c'est pas pour autant qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Oui. Donc effectivement, si on arrive à faire des films qui sont des films grand public, bah ça, c'est un film grand public, tant mieux. Il y a des films qui ne sont pas des films grand public, mais et même là-dedans, c'est pas évident parce que moi j'ai beaucoup montré mes films dans le public et il y a un moment où j'allais un peu partout. Maintenant je le fais un petit peu moins parce que j'ai vieilli peut-être ou je sais pas quoi, mais en tout cas il y a à chaque fois qu'il y avait un film j'allais vraiment à droite à gauche. Il y a des gens qui font un travail incroyable justement pour diffuser le cinéma d'auteur dans plein de cinéma d'art et d'essai, qui invite les gens, on y va justement, parce que des fois il y a 10 personnes dans la salle, des fois il y en a 3 même, des fois il y en a, au contraire, il y a vachement de monde. Mm-hmm. Mais à chaque fois que j'ai montré mes films, ça intéressait les gens, et ils disent, mais pourquoi pas plus, pourquoi on les voit pas plus, et tout ça. Donc quand après il y a les gens des chaînes qui disent, ah mais oui, mais c'est pas grand public, ça va pas intéresser, c'est absurde quoi, c'est absurde. Est-ce que vous avez l'impression que le cloisonnement vient pas... Est-ce que vous avez l'impression que le cloisonnement vient pas en fait des spectateurs que vous rencontrez, mais plus en effet, un peu comme ce matin sur la série, des décideurs, des gens qui, eux, comme leur nom l'indique, décident que soi-disant ce que le spectateur doit voir. Non, enfin moi, pour juste rebondir sur ça aussi, c'est avant de faire des films, je suis spectateur aussi de films et j'aime pas qu'on me prenne pour un con quand je suis spectateur, donc j'essaye de penser à ça aussi quand je fais des films. Et bon, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est les remarques des gens qui justifient en fait la médiocrité souvent de leur film en disant moi je fais les films pour le spectateur avant tout, comme si nous on faisait ça pour balancer sur un écran dans une salle vide. Donc en fait il y a autant de, pour moi, dès que je sens que le film est une insulte prend n'importe qui, c'est pareil à notre intelligence, ça m'énerve vraiment. Donc quand je suis réalisateur, je fais vraiment attention à ça, quoi. Et je pense que ça, c'est comme tu dis, les décideurs et tout ça, c'est encore une fois des données qui leur échappent et ils ont tendance à vouloir à chaque fois se rassurer en parquant les choses au bon endroit facilement. C'est pas toujours possible. C'est-à-dire qu'en fait, bon, malheureusement, parce que le temps passe trop vite et donc on va être obligé d'arrêter, mais c'est-à-dire que toi, en rejoignant Papy 3D, qui a été une société qui... vous voulez aussi être un petit peu différente des autres en n'ayant pas forcément un producteur délégué, quelqu'un qui chapeaute tout et qui vous dise quoi faire. Théodore, en faisant ses films, avant de les présenter même à l'ONF et avant même qu'on lui donne de l'argent pour les produire, ça c'est des combats, c'est ça le combat aujourd'hui, c'est pas l'auteur, ce genre de choses, c'est vraiment... Il y a une philosophie qui doit être cohérente du début à la façon... dont le film se conçoit dans la tête, mais aussi sa façon de travailler, c'est tout ça doit être cohérent. Donc à un moment donné, c'est vrai, au fur et à mesure des films, on apprend à se connaître aussi, et il y a des choix qu'on fait, qui sont à la fois des choix philosophiques et finalement assez logiques dans la trajectoire qu'on a décidé d'avoir. Ouais. Chacun a la sienne. Théodore. Donc on finit là-dessus, c'est ce combat qui a mené. Vous êtes tous super optimistes, mais il faut quand même combattre. Oui. Merci beaucoup à Théodore, Florence et Jérémy. Merci. Merci infiniment.